Bonsoir Marie-Hélène, 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. L'archéologie a ses vieux adages. On ne trouve que ce que l'on cherche, on ne découvre que ce que l'on connaît. Et pourtant, le passé, parfois taquin, fait surgir de terre de temps à autre quelques belles surprises à l'archéologue, tout à son ouvrage. Ce sera le cas aujourd'hui dans le magazine d'archéologie de France Culture, puisque sous la truelle de Philippe Quin et de son équipe de l'INRAP, le passé méconnu, inattendu de la cité d'Uzès sort de terre, Uzès creusé, fouillé, Ouchita enfin révélé. Je me suis donc rendu sur le terrain, entre église, collège et gendarmerie, au cœur de la vieille ville d'Uzès, pour entrevoir les trouvailles, les surprises. Philippe Quin, en archéologie, il faut être le premier, il n'y a pas de second. Alors, je ne sais pas s'il faut être le premier, mais en tout cas sur Uzès, on fait partie des premiers à intervenir en archéologie préventive dans cette ville, puisque d'Uzès, on connaissait pratiquement rien avant notre intervention. Et là, c'est vrai qu'on a la possibilité d'ouvrir une grande fenêtre de fouilles depuis quelques mois et jusqu'encore au mois d'août. Et voilà, sur les 4000 m², c'est vrai qu'on a trouvé une grande densité de structures archéologiques qui vont nous permettre de connaître un peu mieux les origines de la ville d'Uzès. Alors, il y avait une sorte de gros bourdon autour de nous. De quoi s'agissait-il ? Alors, il s'agit d'un drone, puisque maintenant on fait encore des relevés manuels sur papier, mais on informatise et on fait énormément de choses de numériques de plus en plus sur les chantiers, donc beaucoup d'enregistrements photographiques, et puis des drones qui nous permettent d'avoir des vues aériennes, des vues d'ensemble des zones de fouilles, et là en l'occurrence bien utile pour reconnaître la totalité de la mosaïque qui fait pratiquement 60 m² et d'avoir une vue d'ensemble instantanée du pavement. Comment se fait-il, Philippe Quin, vous et votre équipe, soyez les premiers à vous pencher sur ce passé lointain d'Uzès ? Nos interventions sont liées à l'aménagement du territoire, donc nous on intervient dans le cadre de l'archéologie préventive, et c'est vrai que Uzès, il y a eu peu d'opérations, des petites découvertes isolées. On connaît quelques bribes de la ville romaine d'Uzès par des découvertes isolées anciennes de fragments de mosaïques en centre-ville, hein, à l'occasion de découvertes quand même relativement anciennes. Une mention de la ville sur une stèle qui avait été découverte dans la ville de Nîmes. Mais l'organisation de la ville romaine, on en connaissait très très peu de choses. Et la création par la région d'un intérêt commun à deux lycées de la ville d'Uzès a provoqué l'occasion d'ouvrir ce grand chantier. Donc nous on passe avant l'aménagement, avant la construction, on reste quelques mois et puis à la fin du mois d'août on laissera le terrain aux futurs aménageurs, aux futures constructions. Ça vient peut-être aussi du fait que Uzès est une bien sûr très très belle ville avec un véritable patrimoine et qu'on construit peu en centre-ville. Oui, le centre-ville se situe dans un secteur sauvegardé, donc avec assez peu d'aménagement. Là, on est juste à l'extérieur et donc on dispose aujourd'hui d'un terrain de plus de 6000 m² qui va faire l'objet d'un projet de construction par la région. Et c'est vrai qu'on est juste en limite de la ville ancienne, et c'est la première fois qu'on a la possibilité d'intervenir sur des aussi grandes emprises. Pour nous, c'est très intéressant parce que c'est un véritable zoom sur quelques quartiers de la ville romaine. Comment s'appelait la ville, puisque vous me parliez tout à l'heure d'une inscription découverte à Nîmes d'ailleurs ? Alors on connaît la ville d'Uzès par le nom du Sétia qui est mentionné sur une stèle géographique de Nîmes, donc qui répertorie quelques noms de villes antiques comme Beaucaire, comme Castelnau-le-Lez et donc Uzès. Et c'est une des rares mentions qui est faite de la ville pour l'époque romaine, donc qui est confirmée par des auteurs anciens hein, comme comme Tite-Live, comme Strabon, qui mentionnent ces noms. Mais ce sont les seuls éléments dont on dispose aujourd'hui, et donc à nous de renouveler le corpus de données pour cette période sur Uzès. Même si rien n'a été fouillé, on doit s'imaginer comment cette ville. C'est une grande ville, c'est une ville beaucoup plus petite. Est-ce que ça fait partie de ces villes secondaires que l'on trouve si souvent, par exemple, dans le nord de la France ? Oui, Uzès devait faire partie de ces agglomérations secondaires. Une petite ville, mais avec un tissu urbain visiblement bien structuré, d'après les premières données qui sont révélées par la fouille, puisque nous avons déjà répertorié au moins 4 rues, 4 axes de circulation, qui visiblement contribuent à l'organisation spatiale des îlots d'habitation, et donc une véritable structure urbaine. Alors nous, sur la fouille, on a les plus anciens vestiges datent du début du 1er siècle, probablement avant notre ère. On n'a rien trouvé pour l'instant de plus ancien. Dans la ville d'Uzès, je vous disais qu'il y avait très peu de données archéologiques disponibles. Quelques tessons du 5e siècle avant Jésus-Christ ont été trouvés à l'occasion de travaux anciens, mais hors contexte, on ne leur attribue aucune structure, aucun sol, aucune construction. Donc nous, pour nous, l'histoire d'Uzès, aujourd'hui, dans le secteur qui nous intéresse, elle commence au 1er siècle avant Jésus-Christ et elle dure jusqu'au Moyen-Âge. Vous avez décapé un grand espace, ça me paraît extrêmement bien dégagé, très bien fouillé bien sûr, tout ça me paraît aussi d'une grande complexité. En ce moment par exemple, nous sommes sur une sorte de grosse dalle de béton antique. Oui, on se situe là à l'intérieur d'un grand bâtiment dont on ne sait pas encore s'il était public ou privé. Effectivement, il est composé d'un pavement mosaïqué d'une grande qualité, très bien conservé, de grande dimension, 60 mètres carrés, et puis d'une succession de pièces plus petites, dont les sols étaient construits avec ces bétons caractéristiques de l'époque romaine et des phases d'urbanisation des villes romaines. Pas forcément décoré. Alors certains ont des incrustations, des petites tesselles, d'autres des pavements mosaïqués plus luxueux, et certains sont vierges de toute décoration. Alors celui-là, par exemple, est très joli. On est sur une sorte de bande extrêmement étroite. On peut penser que ça pouvait continuer peut-être en dessous. C'est une sorte de mortier rose avec des taches blanches et noires. Oui, c'est un mortier un petit peu particulier qui est réalisé avec des fragments de terre cuite, de tuiles, et qui du coup le rend un petit peu plus étanche. Et là, la particularité, c'est qu'il est décoré avec ce qu'on appelle des croisettes, des petites tesselles en pierre blanche et une noire au centre, qui forment des motifs un peu comme des fleurs en ligne. Sont des décors connus pour déjà ailleurs pour cette époque-là, et qui là, en l'occurrence, n'est conservé que sous la forme d'une seule bande. Puisqu'il y a un deuxième état d'occupation du bâtiment où d'autres sols ont été posés par-dessus les premiers, et parfois on détruit ces premiers sols. Donc là, il n'en reste qu'une seule bande, mais suffisamment pour pouvoir quand même l'identifier. Tout ça appartient au 1er siècle avant notre ère. Les premiers niveaux d'occupation et les premiers sols, visiblement, sont datés du 1er siècle avant notre ère. Et puis, le bâtiment semble vivre jusqu'à la fin du 1er siècle après, peut-être au début du 2e siècle après Jésus-Christ, puisque il est bordé par une voie sur laquelle des potoirs nous permettent de dire que la voie a probablement été abandonnée dans les premières années du 2e siècle. Alors comment se fait-il que l'on ait du romain ici, alors que selon notre récit national, voire même notre roman national, la conquête romaine arrive en 51 avant notre ère? Bah, probablement parce que les populations étaient peut-être entre guillemets déjà un peu romanisées avant cette date-là. Hein. C'est ce que semblent montrer tous les vestiges qu'on découvre aujourd'hui, puisque on ne s'attendait pas à trouver peut-être dès le début du 1er siècle avant Jésus-Christ, en tout cas aussi dans la seconde moitié du 1er siècle avant notre ère, des constructions aussi élaborées avec des pavements mosaïqués aussi luxueux. Et on note sur la dans la décoration décoration de ces pavements, une influence romaine indéniable, que ce soit dans les motifs, dans les décors ou même dans certaines inscriptions qu'on a pu retrouver. On est en Narbonnaise déjà, on est dans une zone qui a déjà été conquise par Rome. Ces bâtiments-là, oui, puisqu'on est dans la deuxième partie du premier siècle avant Jésus-Christ, et puis bon, ça se confirme dans tout ce qui est visible aujourd'hui sur le chantier. Donc lié bien sûr à la conquête de 125-121 avant notre ère. Bah oui, puisque ça fait partie voilà, de ce mouvement de romanisation où on va vivre un peu à la mode romaine. On a découvert notamment, et c'est aussi ça qui nous permet un petit peu de l'évoquer, une inscription sur le pavement mosaïqué d'un personnage, peut-être d'un artisan, qui porte un nom gaulois, mais qui se dote à un moment donné d'un prénom à consonance romaine, hein, Lucius, le tout écrit en grec, donc on sent bien qu'on est dans ce mouvement de romanisation où on garde quand même peut-être sa façon de vivre, son écriture et son langage, puisque l'inscription est en gallo-grec, mais avec quand même une influence indéniable de cette romanisation, puisqu'on adopte un prénom romain, et puis ça se retrouve dans les décors, ça se retrouve dans les constructions et puis dans l'organisation spatiale des bâtiments. Alors là, bien sûr, la plus belle pièce est juste en face de nous. Une superbe mosaïque polychrome. Oui, il a principalement trois couleurs d'utiliser, le blanc, le noir et le rouge, avec des tesselles parfois très fines, notamment pour le motif central, un motif géométrique avec une succession de couronnes, des rayons, des svastikas, ces fameuses enchevêtrements de croix, et puis quatre animaux qui sont placés dans le motif central, un hibou, un canard, un aigle, et puis probablement une biche ou un faon. Le tout est ceinturé par des décors géométriques qui sont là assez classiques, connus à d'autres endroits, hein, ce qu'on appelle les postes, c'est-à-dire ces petites vaguelettes, des chevrons, des damiers, sur une surface d'environ 60 mètres carrés, divisée en deux grandes salles, avec un premier panneau central d'un côté et puis un deuxième un petit peu plus petit de l'autre côté. Le bâtiment forme un angle, on a des murs conservés, on a encore les plinthes, c'est-à-dire les parties basses des peintures murales qui sont conservées sur quelques centimètres de hauteur, même si là, dans ce cas, elles appartiennent à un second état d'occupation du bâtiment. Et puis, par contre, sur d'autres côtés, on suppose l'existence de parois non fondées qui sont simplement posées sur le pavement et qu'on arrive quand même à détecter par les ruptures de décor, par les changements de type de sol construit. Hein, on passe d'un pavement mosaïqué à un pavement rouge avec un autre style de décoration. Et donc là, on suppose qu'il y a une zone de passage, peut-être une paroi, mais qu'on n'a pas forcément, qui n'est pas forcément conservée à la fouille. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Cette mosaïque avec quatre animaux dans les angles, c'est quelque chose de déjà connu. On connaît ce genre de choses, le hibou, le canard, le faon et puis l'aigle. Alors, on les connaît, mais ce qui est assez étonnant là dans ce cas-là, c'est la façon dont ils sont représentés, qui est plutôt révélatrice d'une période un peu plus tardive, hein, ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, quelques siècles plus tard, où on avait l'habitude plutôt de représenter ces animaux-là de la façon dont ils sont visibles aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est étonnant pour le premier siècle avant notre ère de les voir intégrés dans un décor plus classique, géométrique, mais plus classique. Et c'est ça aussi qui fait la particularité, la spécificité du pavement mosaïqué. Est-ce que l'on pourrait être sur un mythe, vous pensez ? Le canard, le faon, l'aigle, des animaux prestigieux, d'autres pas ? Pour l'instant, on en est qu'à peu de... Il reste encore pas mal de semaines de fouilles pour essayer d'identifier, d'interpréter la fonction et le statut de ce bâtiment. On a à peine travaillé l'interprétation et l'identification, évidemment, elle est facile des animaux, mais le sens de la présence de ces animaux dans le pavement mosaïqué, pour l'instant, sont des choses qui sont à peine évoquées, mais sur lesquelles il faudra faire des recherches, puisque au sein de l'INRAP, on a des spécialistes, quelqu'un qui est en charge de l'étude de la mosaïque et dont ce sera le rôle dans une étude, mais une étude qui se déroulera plutôt dans ce qu'on appelle appelle la post-fouille, c'est-à-dire après la fin du chantier, où on va reprendre toutes les données et puis on va essayer de remettre tout ça en contexte. Et là, l'objectif, ce sera effectivement de savoir si derrière la représentation de ces animaux, il y a un sens. Est-ce que c'était un désir du propriétaire de présenter aux gens qui venaient dans cette grande salle de présenter ces animaux-là, est-ce qu'ils avaient un sens particulier, ou alors est-ce que c'est peut-être aussi l'atelier de mosaïstes qui intervient dans ce bâtiment, qui avait pour spécialité cette représentation, ce type de représentation d'animaux. On connaît d'ailleurs ce type d'atelier, on peut dire quelque chose sur ces spécialistes de mosaïque? On sait qu'il y avait des ateliers de mosaïsme qui visiblement étaient assez itinérants, qui s'enrichissaient des observations qu'ils faisaient soit en Gaule, soit en Italie, ailleurs sur d'autres sites, et qui pouvaient à la demande peut-être reproduire des choses qu'ils avaient observées ailleurs. Alors parfois en les maîtrisant très très bien, parfois en les maîtrisant un petit peu moins bien, on s'aperçoit notamment sur le pavement mosaïqué, la Duzès, que sous ces aires de pavement très très bien soignés, quand on regarde un petit peu plus attentivement certaines zones de raccord dans les différents décors géométriques, il y a des petites zones qui sont un petit peu moins traitées, un petit peu moins bien traitées, un petit peu plus succinctes. Et donc ça permet aussi de s'interroger sur la nature, l'identité des gens qui pouvaient composer les décors. Certains étaient peut-être spécialistes aussi alors ici c'est pas un embléma, mais du motif central, d'autres peut-être des décors plus géométriques. Et puis il faut pas oublier cette inscription qui peut-être révèle le nom du propriétaire, mais aussi pourquoi pas le nom de l'artisan qui aurait été en charge de la décoration plus spécifique dans le pavement. Je reviens sur ce nom parce que c'est quand même assez rare de découvrir un nom comme ça sur une mosaïque dans une villa ou une domus. Il est blanc sur blanc, pourquoi? Ça, c'est la grande question. Effectivement, il est blanc sur blanc à tel point qu'au tout début, il était invisible à la lecture et on ne l'avait pas vu. Donc, c'est vrai qu'il est entouré par un cartouche réalisé avec deux rangs de tesselles rouges. Ça a attiré l'œil des personnes qui ont participé au nettoyage de la mosaïque. Et puis, en regardant plus attentivement, on a commencé à détecter des formes, puis des caractères. Et en se plaçant au fond de la salle, on a pu observer que ces caractères étaient des caractères écrits en grec, en gallo-grec, et ça nous a permis de déchiffrer ce nom qui mélange en même temps du gaulois et du latin, puisqu'on est sur pour l'instant une interprétation de Lucius Cornelius, mais ça reste encore, il faut rester encore prudent sur cette interprétation puisqu'il y a des zones de lecture qui restent encore compliquées à lire, même très attentivement puisque les tesselles sont très, très lissées, et donc il va falloir continuer les interprétations pour avoir vraiment une traduction fiable et qui puisse nous fournir des éléments déterminants peut-être dans la détermination du propriétaire des lieux ou de l'artisan qui participe au décor. Est-ce que ces caractères n'auraient pas pu être peints, caractères grecs? Alors, c'est une hypothèse qu'on avait envisagée. On s'est posé la question de savoir si les tesselles étaient effectivement peintes. Après, vient aussi la question de pourquoi les peindre et pas utiliser une roche de couleur pour les mettre en valeur. Donc, il y a plein de questionnements qui viennent quand on observe cette inscription blanche sur blanc. Est-ce qu'on a, on a même évoqué la possibilité de dissimuler son nom, un nom peut-être lors du changement de vocation, de fonction du bâtiment, ou alors est-ce que c'est l'artisan qui souhaite signer mais de manière discrète le motif qu'il a réalisé? Donc pour l'instant il y a plusieurs pistes et puis on va essayer de préciser un petit peu tout ça. Reste la fonction du bâtiment qui est un très beau bâtiment. Est-ce que l'on serait donc sur une domus, une maison urbaine, ou voire bien plus un bâtiment public? Alors pour l'instant, la complexité, c'est la partie dégagée de ce bâtiment, puisqu'on en a une petite partie. Le bâtiment semble se poursuivre sous l'ancienne gendarmerie d'Uzès, qui est construite au début du XXe siècle. Et lors de sa construction, elle a recouvert, probablement détruit, une partie de ce bâtiment. Donc nous, on en observe aujourd'hui qu'une infime partie, donc cette grande salle de 60 mètres carrés, qui s'ouvre en enfilade sur au moins deux pièces un peu plus petites avec des sols bétonnés mais sans décor. Et cette grande salle, on devait y accéder depuis un espace ouvert par une colonnade, puisqu'on retrouve des blocs quand même de grande dimension qui bordent cette mosaïque. Et sur un de ces blocs portait une trace circulaire qui correspond à une base de colonnes qui a été retrouvée sur le chantier. On a également retrouvé des chapiteaux. Tout ça nous fait dire qu'on accédait probablement de l'extérieur à cette grande salle par une colonnade. Et les dimensions des éléments de lapidaire, hein, ce chapiteau, ces bases de colonnes qui ont été retrouvées, livrent des dimensions quand même assez importantes, qui se rapprochent des éléments qu'on trouve dans les bâtiments, effectivement bâtiments publics. Et c'est vrai que ça fait penser l'organisation aussi des pièces, et cette grande salle, ces pièces en enfilade, les dimensions des éléments en pierre font penser peut-être à un bâtiment public, mais là encore il faut rester très prudent puisqu'on manque de mobilier associé au fonctionnement de ce bâtiment qui pourrait nous permettre de déterminer plus précisément sa fonction, ce qui restera je pense difficile. Justement, nos amis gallo-romains en partant ont fait le ménage, ils ont laissé peu de choses. Ils ont visiblement laissé peu de choses puisqu'on retrouve assez peu de mobilier, paradoxalement, puisque en contexte urbain en général, on retrouve un peu plus de mobilier qu'à la campagne, je dirais. Ici, assez peu, les monnaies, souvent qui sont retrouvées quand même en grand nombre dans les villes. Ici, on en dénombre à peine une vingtaine en plusieurs mois de fouilles, ce qui est quand même assez minime. Et puis, ce qu'on appelle l'instrumentum, le petit mobilier, se fait aussi assez rare. On a retrouvé quelques éléments de lampe à huile, quelques éléments céramiques, évidemment, mais quand même assez peu de mobilier par rapport à d'autres sites qui ont été fouillés à peu près dans les mêmes contextes, aux mêmes périodes, comme à Nîmes, qui ont révélé, eux, qui ont livré énormément de petits mobiliers, métalliques, céramique, etc. Et de très belles mosaïques. J'ai souvenir que vous aviez fouillé ce site. Oui, effectivement, c'est le site d'Uzès est un peu comparable dans les périodes et puis dans la façon d'investir la ville romaine à la fouille qui s'est déroulée il y a une dizaine d'années en centre-ville de Nîmes sur l'avenue Jean Jaurès, où effectivement on avait, de la même manière qu'à Uzès, fait un zoom sur plusieurs quartiers de la ville antique en découvrant des axes de circulation inédits, en mettant au jour des domus avec des grandes salles, des grandes pièces, leurs jardins, leurs cours, des bassins, et puis évidemment ces deux grandes mosaïques très bien conservées avec des scènes mythologiques et donc qui font partie des plus beaux pavements qu'on ait trouvés dans le sud de la France aujourd'hui. En tout cas, Philippe Quin, juste à côté de votre bâtiment et donc des mosaïques, quelque chose qui me paraît très émouvant, une voie romaine très épaisse et à la base des traces de charrettes. Alors effectivement, on a repéré différents axes de circulation, différentes rues. L'une borde le bâtiment, ce grand bâtiment avec la mosaïque, et les premiers niveaux de circulation qui sont directement aménagés sur le rocher naturel calcaire d'Uzès présentent des aménagements particuliers puisqu'ils sont visiblement dallés. Hein, on a taillé dans le calcaire local des grandes dalles et puis on les a disposées pour aménager une chaussée robuste, et le passage répété effectivement des véhicules, des charrettes laisse des traces même dans une roche calcaire sous forme d'ornières, et puis ces ornières sont régulièrement rechargées pour refaire une chaussée propre et pratique à la circulation. On a rajouté de la terre, parfois on comble ces ornières avec des pierres, et puis de cette façon le niveau de la rue monte d'année en année à chaque nouvelle recharge. Vous nous parlez du 1er siècle avant notre ère. En général, on connaît bien mieux le 1er siècle après, donc c'est assez rare ce que vous avez trouvé. Oui, c'est vrai que les vestiges du 1er siècle avant Jésus-Christ, souvent, ont subi l'installation des gens qui suivent au passage de notre ère, au 1er siècle après notre ère, où il y a souvent des fortes phases, des importantes phases d'urbanisation qui sont assez destructrice et puis qui masque énormément les vestiges antérieurs. Alors ici, paradoxalement, à Uzès, c'est un peu le contraire. On a visiblement des vestiges du 1er siècle avant notre ère qui sont très bien conservés, et puis des niveaux de sol ou des murs du Haut Empire, donc des deux premiers siècles après notre ère, qui sont un petit peu moins visibles, parce qu'ils ont été en grande partie aussi remobilisés par une occupation postérieure, hein, puisque ce quartier qu'on est en train de fouiller d'Uzès est occupé du 1er siècle avant notre ère jusqu'au 2e siècle après, Ensuite, on a une absence de traces d'occupation sur les 3e et 4e siècles. Et puis, on a un réinvestissement, une réoccupation de ces quartiers à partir de la fin du 5e et plus précisément en plein 6e siècle après Jésus-Christ. Ce qui était aussi assez rare. Vous aviez trouvé une très belle mosaïque dans un autre secteur, puisque vous fouillez 4 secteurs, vous en avez encore 2 d'ailleurs à dégager. Une mosaïque avec des dauphins ? Oui, effectivement, et on fonctionne par zone. Le chantier n'est pas ouvert en totalité, mais on l'ouvre par zone successive. Et une des zones a révélé, entre deux rues antiques, une grande habitation, probablement une grande domus, et l'une de ces pièces était équipée d'un béton, d'un sol en béton, avec comme motif central en décoration des incrustations de tesselle, un motif carré au centre de la pièce, géométrique, assez simple, et puis à chaque angle était placé un dauphin réalisé en tesselle. Pourquoi cet abandon à la fin du 1er siècle après notre ère, voire le début du 2e siècle après notre ère ? Normalement, rien n'est inscrit. D'habitude, les villes antiques se rétractent plutôt au 3e ou 4e siècle. Alors effectivement, on a l'habitude d'avoir des abandons un peu plus tardifs des sites romains, plutôt au 3e siècle, comme c'est souvent le cas à Nîmes. Étonnamment, les habitations semblent abandonnées puisqu'on a retrouvé plusieurs dépotoirs de fragments de céramique qui signent l'abandon des bâtiments et dont le matériel céramique est daté parfois même de la fin du 1er siècle ou du début du 2e siècle. À l'instar de ça, les voies de circulation sont également abandonnées visiblement au début du 2e siècle. Donc il se passe quelque chose dans ces quartiers à Uzès qui fait que les îlots sont abandonnés, les gens doivent se déplacer ailleurs, dans un endroit pour l'instant dans un secteur qu'on ne connaît pas, puisque on a investi très peu la ville d'Uzès. Et puis ils reviennent quelques siècles plus tard, à la fin du 5e siècle, au début du 6e. Alors est-ce qu'il se passe, est-ce que c'est lié à des épisodes historiques ? Pour l'instant, il faudra terminer la fouille, s'assurer effectivement de ce hiatus chronologique au 3e et 4e siècle pour pouvoir peut-être mieux l'interpréter et mieux comprendre pourquoi on n'a pas de traces pendant 2 siècles de fréquentation du secteur. Vos îlots, qu'ils soient au premier avant ou au premier après notre ère, sont en général dévolus à la production du vin. Vous avez quantité d'amphores, quantité de récipients ? Oui, alors effectivement, il y a quelques dépotoirs constitués d'amphores. Donc ce qui veut peut-être dire qu'on n'est pas très très loin d'ateliers de production. Pour l'instant, on n'a pas encore repéré de rejet de cuisson, de choses comme ça. Donc, est-ce que ce sont des endroits, principalement, ils sont localisés ici sur le chantier, sur les voies romaines qui sont abandonnées. Est-ce que ce sont des endroits préférentiels où on vient jeter, où on vient déposer ces poubelles ? Ce qu'on a repérés aussi parfois à même le rocher sont des petits creusements linéaires qui pourraient être liés déjà à la culture du vin, à l'existence peut-être de vignes, mais ces traces sont très discrètes dès le 1er siècle avant notre ère. Et puis dans certains des bâtiments ont été repérés des dolias, ces grands contenants qui permettaient souvent de recueillir le vin. Philippe Quint, il faut être le premier en archéologie. Mais il faut être, en tout cas, nous, on est les premiers. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir renouveler énormément les données. C'est une chance de pouvoir fouiller comme ça à Uzès alors qu'on ne connaissait rien, de pouvoir ouvrir une si grande emprise. Puis surtout, c'est une chance d'avoir à disposition tous ces vestiges dans un état surtout de conservation qui est quasi exceptionnel. Carbone 14 était réalisé par Christine Robert, à la technique Pierre-Henri.